Luc chapitre 11, et on est rendu au verset 14. Luc 11, verset 14. On va prier ensemble. Notre Dieu, nous te demandons que tu guides cette étude. Ton Esprit Saint est le seul qui peut nous aider à parler et à écouter. Qu'il puisse être l'outil qui nous instruit ce matin, afin que nos cœurs, nos pensées puissent te louer et te glorifier par nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Dans le Nouveau Testament, 77 fois, on parle des démons, ou des mauvais esprits, ou de Satan, ou du diable. 77 fois, dont 68, presque la totalité, c'est dans les quatre évangiles et dans les actes des apôtres. Aussitôt qu'on commence les épîtres, on n'en parle presque plus jamais, excepté dans l'Apocalypse où est-ce qu'on va régler le compte de ces démons-là. Mais dans l'histoire de l'Église, dans les épîtres, on n'en parle pas. Intéressant de voir ça. Et vous remarquerez que dans l'Ancien Testament, zéro. Dans le Nouveau Testament, on ne parle jamais de ça. Très, très peu de ça, qu'on parle de démons, de possession, de... C'est pas là. C'est pas là. Et je me suis posé la question souvent, pourquoi est-ce qu'on parle tant des démons juste pendant le temps que Jésus était sur la terre? Si vous lisez l'Ancien Testament, presque jamais de mention de cas de possession. On arrive au temps de Jésus, puis il y a des démoniaques partout. Tu dis, voyons, c'est quoi l'affaire? Pourquoi c'est comme ça? 30 fois environ, on parle de chasser les démons. Et les 30 fois se retrouvent exclusivement dans les évangiles et dans les actes, jamais dans les épîtres. Et moi, je vous dis, quand vous ne retrouvez pas dans les épîtres certaines choses, méfiez-vous de les pratiquer. Si on ne les mentionne jamais dans les épîtres. Parce que dans les évangiles et dans les actes des apôtres, nous vivons une page d'histoire de transition. Le monde est en train de passer de l'ancienne alliance vers la nouvelle alliance. Et il y a eu une période de transition qu'on appelle en théologie. Et cette période de transition-là, il s'est passé des choses spectaculaires pour marquer la transition. Comme il y a eu des choses spectaculaires qui sont passées au temps de Moïse, et comme il y a des choses spectaculaires qui se sont passées au temps d'Élie et d'Élisée. Il y a eu des périodes de transition. Et il va se passer des choses très spectaculaires quand Jésus va venir pour la deuxième fois. Et encore une fois, on va marquer une autre transition. Mais ce matin, on va parler de ces démons-là un peu, parce que le texte qu'on étudie parle des démons. Il parle même du prince des démons. Donc là, on va un peu connaître, un petit peu connaître le prince des démons, un petit peu. Les possessions démoniaques prouvent une chose, c'est que les démons sont plus forts que les hommes. Si les démons ne seraient pas plus forts que les hommes, ils ne pourraient pas les posséder. Les hommes pourraient les arrêter, simplement. Mais si un démon peut posséder une personne et la manipuler et l'entraîner à faire des choses qu'il ne ferait pas normalement, c'est qu'il est plus fort que cette personne-là. Il y a une autre chose qui prouve, il y a une autre vérité qui suit cela, que celui qui a la capacité d'exorciser, celui qui a la capacité de chasser le démon, est plus fort que le démon. Normal. Donc le démon, règle générale, est plus fort que les êtres humains, parce qu'on voit les êtres humains se faire posséder, à travers le temps que Jésus est sur la terre, beaucoup en tout cas, et dans les actes des apôtres, beaucoup de possessions démoniaques. Et les hommes essayent de les chasser, ils n'y arrivent pas, par leur propre pouvoir. On voit dans les actes des apôtres, à quelques reprises, des démons qui sautent, comme je voudrais dire, qui pogne d'un homme, des hommes, puis qui les tue presque, parce qu'ils sont beaucoup plus forts que les autres. Donc, moi, je vous encourage, quand vous rentrez dans le monde des démons, méfiez-vous, parce que vous ne faites pas le poids. En tant qu'être humain, vous ne faites pas le poids. Je ne vois pas avec ça. Je ne vois pas avec ça. Des fois, je vois des gens jouer avec les démons, les esprits. Je me dis, oh my friend, vous ne faites pas le poids, tenez-vous loin de ça. Et ce matin, on va voir les deux. On va voir possession démoniaque. On va voir un exorciseur qui va chasser un démon. On va voir toute l'histoire qui s'est passée alentour de ça. Et l'histoire, c'est juste une histoire vraie. Mais ce qui est intéressant, c'est de découvrir à travers cette histoire-là, cet événement-là dans la vie de Jésus, qui est Jésus. Qui est Jésus? Parce que vous vous souvenez, Luc veut montrer à Théophile quoi? Qui est Jésus? C'est son but. Le but, ce n'est pas de lui conter une histoire par rapport à Béelzébul. Il s'en foutu qu'on connaisse Béelzébul, lui. Mais il veut qu'on connaisse Jésus. Et il va nous conter cette histoire-là de Béelzébul pour nous montrer que Jésus est un être humain, bien ordinaire. Bien ordinaire. En même temps, on va voir ça. Il est juste un être humain, bien ordinaire. Mais en même temps, il va chasser les démons. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas normal, parce que les êtres humains sont moins forts que les démons. Donc, comment est-ce que ça, lui, a-t-il pu chasser un démon? Si les êtres humains sont moins forts que les démons. La vérité qu'on va regarder ce matin, c'est le royaume de Dieu est plus fort que le royaume de Satan. Le royaume de Dieu est plus fort que le royaume de Satan. Parce qu'on va parler du prince des démons. Donc, s'il y a un prince, c'est parce qu'il y a un royaume. S'il y a un prince, il représente le royaume. Si tu es plus fort que le chef du royaume, tu es plus fort que le royaume. Hein? C'est anciennement, quand on faisait la guerre à un pays, on ne s'en allait pas faire la guerre à un cultivateur. On partait vers le château du roi. Si on pouvait mettre le château du roi en ruine, tous les autres devenaient des esclaves ou des sujets. Ils se soumettaient. Donc, tu attaquais toujours le plus fort. Et si tu avais le plus fort, automatiquement, tu avais tout le monde. Et donc, on va voir ici ce matin, sans qu'on se soit nommé dans ces mots-là, on va en parler un peu de ces mots-là, mais pas le du royaume de Satan, mais on va voir un conflit entre les deux royaumes, et on va voir qui va en sortir vainqueur. C'est important pour nous autres, parce que l'autre royaume existe bel et bien. Bel et bien. Et dans tous les films aujourd'hui, où est-ce qu'il est présenté, ou en télévision, où ce qu'on présente, le monde des ténèbres, ou le monde des esprits, ou le monde des démons, on laisse sous-entendre que le monde des démons est maintenant plus fort. On laisse sous-entendre que le monde de la noirceur est plus fort que le monde de la lumière. On laisse sous-entendre. Ou si ils ne sont pas plus forts, au moins ils sont pas mal corrects. À la fin des films, pas du temps, le monde des ténèbres n'est pas détruit. Il n'a pas gagné, mais il n'est pas détruit. Donc, il laisse sous-entendre que des fois, il gagne. C'est une espèce d'égal à égal. Mais la Bible ne nous montre pas cela du tout. Donc, dans Luc, chapitre 11, verset 14, Jésus chasse un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla. La foule fut dans l'admiration. Premier verset. Bon, ça, c'est la situation. Jésus arrive dans une foule, il y a un muet là. C'est bizarre que Jésus... Bizarre. En tout cas, nous, on ne dirait pas ça, on aurait juste vu un muet. Je me posais la question, un muet avait-tu des cornes? Un muet avait-tu une queue? Mais comment est-ce que Jésus... Pourquoi Jésus dit que c'était un démoniaque? Nous, on n'aurait pas attribué le fait qu'il était muet à un démoniaque. C'est pas toujours facile, hein? Comme la femme avec une bosse dans le dos, là, il dit que Satan la tenait liée. Jésus a attribué à beaucoup de reprises... des choses que nous, on n'aurait pas attribuées à une possession démoniaque. Lui, il l'a attribué à une possession démoniaque. Je vous dis, essayez pas ça. Vous avez peut-être... Moi, j'ai vu des gens dire, c'est un vrai démon, celui-là. T'as pas un vrai démon. J'ai pas le pouvoir de savoir ça, moi. J'ai pas la capacité de savoir ça. Et des fois, on peut dire, ça, il ressemble à un démoniaque, ça n'est pas un. Puis des fois, on dit, lui, c'est un ange, puis ça peut être un ange cornu. On n'est pas très brillant là-dessus, là. Ça prend quelqu'un d'autre pour voir ça. Ça prend quelqu'un comme la personne de Jésus. Mais il y avait un homme muet. Lui sait que c'est une possession démoniaque. Jésus le sait de façon quelconque. Bon, on sait parce qu'il est aussi Dieu à travers ça. Mais il voit ça. Et là, il chasse le démon. Et au moment que le démon sort, la personne se met à parler. Et la foule est dans l'admiration de ce que Jésus fait. Pourquoi? Quand vous admirez quelqu'un, pourquoi vous admirez quelqu'un, vous autres? Ça vous arrive pas d'admirer quelqu'un? Oui, oui, ça vous admire. Quand vous admirez quelqu'un, admirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah, tu vois ça, wow, tu sais. Ils ont cette expression-là maintenant, là, et, oh, la chambre à coucher n'est pas wow, elle n'est pas wow. On a refait notre chambre à coucher chez nous. Cette semaine, notre couple de semaines, on a peinturé, on a fait des petites aménagements nouveaux. Puis quand ma fille est rentrée, elle a dit waouh! C'est la nouvelle mode, ça maintenant. C'est waouh! Quand on est waouh devant quelqu'un, ça veut dire quoi? Il est spécial, il est plus grand que nous, plus fort que nous. Il fait des choses qu'on n'est pas capable de faire. Ils sont dans l'admiration, ils sont comme bouche bée, stupéfaits. Comment ça que cet homme-là peut faire ça? Comment ça que ce Jésus-là, par un mot, un geste, il dit au démon va-t'en, puis le démon s'en va. Comment il fait ça? Comment il fait ça? Il y avait peut-être dans la foule des gens qui avaient déjà essayé de faire des exorcismes puis qui n'avaient pas réussi. Des fois, vous allez voir à la télévision là, des exorcismes dans certains films ou d'autres programmes. Puis là, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Ça branle, puis ça shake, puis ça fait toutes sortes d'affaires. Quand Jésus, lui, il fait un exorcisme, il dit « Sors, ça sort. » Il n'y a pas de simagré, il n'y a pas de bébel, il n'y a pas de crucifix, il n'y a pas d'eau bénite, il n'y a pas de d'onguin, il n'y a pas rien de ça. C'est « sort », puis il sort. Des fois, il dit « sort » à 2000, puis il sort les 2000. Peu importe comment est-ce qu'il y en a, « sort », puis ça sort. Il ne pose pas de questions, puis il sort, règle générale. Et dans les évangiles, ils disent « Quel homme, qui est cet homme qui a une autorité si forte sur le monde des démons ?» Je vais vous dire une chose, je crois personnellement, s'il y a eu tant de démons au temps de Jésus sur la terre, c'était pour que Jésus ait la capacité de démontrer sa capacité et son pouvoir sur le monde démoniaque. Maintenant qu'il l'a montré, ça suffit. Ça suffit. Il n'a pas à le remontrer une deuxième fois. Il a démontré pendant son vécu, son 3 ans, il a démontré à des centaines de fois qu'on a dans le Nouveau Testament, on a nous autres là décrit, il l'a peut-être fait des milliers de fois, on ne sait pas, mais on a des centaines de cas dans les évangiles où ce que Jésus dit, sort, sort, sort, sort, puis il sort tout, ça monte tout. Il a démontré sa capacité, son pouvoir sur le monde des démons. Et ceci a amené les foules à admirer la personne de Jésus, à voir que cet homme-là, de chair et d'os comme eux, avait un pouvoir spécial, avait quelque chose de spécial avec lui. Mais quelques-uns, on va verset 15, mais quelques-uns dirent, c'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur un autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul. Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous? Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, et ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes ses armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, il prend sept autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Excusez-moi de ne pas avoir mis le texte sur le mur. Après qu'il ait chassé ce démon muet-là, une partie de la foule admire Jésus pour ce qu'il a fait. L'autre partie de la foule va l'accuser d'avoir chassé le démon avec la puissance de Béelzébul, le prince des démons. Donc Jésus dit, les gens disent, oh oui, il y a du pouvoir sur les démons, mais c'est Béelzébul qui lui donne ce pouvoir-là et qui l'aide à chasser les démons pour nous induire en erreur, pour nous tromper. Il fait ces choses par la puissance de Béelzébul. Béelzébul, on n'a pas... on a juste trois, quatre fois dans les évangiles qui revient cet homme-là. Mais l'important qu'il nous faut se rappeler, c'est que c'est le chef, c'est le prince des démons. Dans l'original, ils vont parler de Baal-Zébul. Baal-Zébul. Dans l'Ancien Testament, il y avait un faux dieu qui s'appelait Baal. Le dieu des tonnerres, des éclairs. Baal. Certains textes vont marquer Baal-Zébul. Mais Baal-Zébul, il y a une chose est certaine. Ici, c'est le prince, c'est le chef, c'est celui qui a l'autorité sur les démons. Donc, nous savons par les autres textes de la Bible que le chef des démons, c'est Satan, hein? c'est le diable. Donc, c'est très risqué ce qu'ils ont dit là. Ça veut dire que Jésus est un serviteur du diable. Jésus est un serviteur du diable. Jésus fait les choses par la puissance du diable. Et c'est une accusation, tu ne peux pas aller plus haut que ça en tant qu'accusation. Là. Jésus va parler, vous pouvez faire un paquet d'affaires, mais de dire que je chasse les démons par Béelzébul, oh, c'est très grave ce que vous faites là. C'est très grave. Jésus dit ne pas avoir fait cela. Jésus dit non. Ici, Jésus explique dans le verset 15 à 18 que il est plus fort que Béelzébul. S'il a chassé un démon, puis s'il ne fait pas par la force de Béelzébul, il est plus fort que Béelzébul. Il donne l'exemple. Si moi, je rentre chez vous et je suis capable de vous attacher et de vous lier sur une chaise, il y a eu une annonce cette semaine, dans les annonces, là, une femme qui est rentrée dans la maison d'un homme âgé, j'avais entendu ça dans les annonces, elle rentrée une femme âgée, puis en rentrant, il a sacré un coup de poing, le bonhomme tombe sur le top, sur le dos, puis elle vole. Elle vole tous ses biens. Pourquoi? Elle avait une vingtaine d'années, puis elle était plus forte physiquement que le monsieur qui avait 80 quelques années. Qui avait de la misère, on le voyait dans la télévision, il avait de la misère à se déplacer avec une canne, il avait de la misère à marcher. Donc, elle a démontré sa force, sa supériorité physique sur cet homme-là. Et elle l'a dépouillé de ses biens. Et c'est l'exemple que Jésus prend ici. Mais il dit, OK, si je ne l'ai pas fait, si vous dites que ça prend la puissance de Béelzébul pour chasser les démons. Et si moi, j'ai chassé les démons pas par la puissance de Béelzébul, je vous ai démontré que je suis plus fort que Béelzébul. Jésus dit, j'ai pas fait cela. Je n'ai pas utilisé la puissance de Béelzébul. J'ai attaché Béelzébul et j'ai démontré ma supériorité sur le monde, sur le royaume de Satan. Jésus dit plutôt, j'ai utilisé la puissance de Dieu. Il n'a pas l'expression « le doigt de Dieu ». Hein? Verset 19, j'ai utilisé le doigt de Dieu. Avez-vous déjà vu des photos? des photos comme ça, là, tu sais, là, je pense que c'est Michel-Ange qui a fait ça, là. Il y a le doigt de Dieu là, qui vient toucher un autre doigt, là. Hein, vous avez l'homme qui est Dieu, qui est représenté comme un homme âgé. Vous avez Adam à terre, puis Dieu vient toucher Adam. C'est le doigt de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et cette expression-là vient de l'Ancien Testament. C'est marqué, et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu qui fait toutes ces plaies des 10 plaies d'Égypte. La puissance de Dieu. Dans Exode 31, lorsque l'Éternel lui achevait de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Dans Deutéronome, l'Éternel me donna les deux tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Donc, mais le doigt de Dieu, c'est sa puissance. Jésus dit, j'ai fait ça par la puissance de Dieu. Je n'ai pas fait ça par la puissance du démon. Je fais ça par la puissance de Dieu. Là, il dit quelque chose d'intéressant, verset 19. Si moi, je chassais le démon par Béelzébul, comme vous le dites, vos fils qui les chassent, les démons, avec quoi est-ce qu'ils font? Vos fils, vous exaltez vos fils quand ils chassent des démons. Le sachent-ils aussi par Béelzébul? Si vous m'accusez, moi, de chasser les démons par Béelzébul, vous êtes en train d'accuser vos fils qui le font aussi. Et il leur dit, vos fils vont devenir vos propres juges. Parce que si vous me condamnez, vous condamnez vos fils. Mais les fils vont se lever et vont vous condamner, vous autres aussi, parce que les autres, ils vont dire, « Hey, papa, fais pas ça par Béelzébul, on fait ça par la puissance de Dieu. » Jésus retourne leur accusation contre eux-mêmes. Mais il dit au verset 20, et ça, c'était un des plus importants, il dit au verset 20, Jésus leur dit, « Si j'ai chassé ce démon-là par le doigt de Dieu, le royaume de Dieu est venu vers vous. Si j'ai chassé ce démon-là par la puissance de Dieu, le royaume de Dieu est venu vers vous. Dieu est en train de vous manifester quelque chose. Dieu est en train de vouloir vous parler. Dieu est en train de vouloir vous montrer quelque chose. Dieu veut vous dire quelque chose. Et si j'ai chassé par la puissance de Dieu et que vous me rejetez, vous rejetez Dieu. Vous rejetez Dieu. Regardez au verset 21-22. Là, il explique encore une fois, il dit, je suis plus fort. Lui, il dit, je l'ai fait par le doigt de Dieu, et en chassant Béelzébul, ou en violant le royaume de Béelzébul, je vous ai démontré que le royaume de Dieu est plus fort que le royaume de Satan. Je vous ai montré ça. C'est plus fort, parce que c'est comme ça que Jésus a voulu le faire, c'est comme ça que Dieu a voulu le montrer. Jésus a dit, hey, je suis plus fort. Je suis plus fort que ce monde-là. Mais attention, il a bien dit, je ne l'ai pas fait par ma puissance. Il l'a fait par la puissance de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Jésus se présente comme un être humain qui a fait un miracle par la puissance de Dieu. Chasser le démon par la puissance de Dieu. Il ne dit pas, dans les autres évangiles, il va dire, c'est par le Saint-Esprit que j'ai fait ça. Il va employer le terme Saint-Esprit. De là va venir l'expression du blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que la personne du Saint-Esprit est dans le même contexte que cette histoire-là ici, dans les autres évangiles. Mais ici, dans Luc, il n'en parle pas du blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'utilise pas cette expression-là. Mais il dit, il n'y a pas le doigt de Dieu. Il dit, c'est par la puissance de Dieu que j'ai chassé le démon. Et Dieu démontre ici sa puissance sur le monde spirituel des ténèbres. Mais il dit, si vous attribuer à Satan ou à Béelzébul ce miracle-là, vous faites quelque chose d'exceptionnellement grave, de tellement grave, qu'alors on va voir la conséquence. Et là, Jésus va dire au verset 23 quelque chose, des fois, qu'on a de la misère à comprendre. Il va dire, qu'est-ce que ça vient là? Il parle de... Il fait le ménage. Il dit, un homme fort, bien armé, garde sa maison, quelqu'un vient. Là, il dit que... Verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. Il n'en trouve point. Il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et armée. Alors il s'en va, il prend sept autres esprits plus méchants et revient dans la maison. Et la situation de cet homme-là dans la maison est pire que la première. N'est-ce pas? Parce qu'avant ça, il y avait juste un démon. Maintenant, il y en a huit démons dans la maison. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Jésus est en train de parler de ce que lui est en train de faire. Jésus est en train de faire le ménage. Jésus chasse les démons. Jésus nettoie les démons. Il les envoie. Jésus est en train de faire le ménage en Israël. Il dit, si vous ne... Il dit, moi je vais le chasser, mais si vous ne croyez pas en moi. Parce que quand il revient, qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Il n'y a rien. Il n'y a personne. Il dit, vu qu'il n'y a rien dedans, pour la protéger, de plus fort qu'avant qu'il sorte, parce qu'il y avait un sorti un démon, le démon revient, ha, invite la maison. Le gars qui m'a fait sortir, il n'est plus là. Va chercher sept chums, ils reviennent, puis il dit, on prend possession de la maison, puis cette situation-là est encore bien pire, parce que maintenant, ils sont huit. Qui aurait dû être dans la maison? Le gars qui avait chassé le premier démon, qui était Jésus. Il dit, si vous me rejetez, moi, votre situation va être bien pire tout à l'heure. Si vous me rejetez, moi, celui que Dieu a envoyé pour vaincre le monde des ténèbres, et que vous me rejetez, moi, le Fils de l'homme, moi, Jésus, votre situation va être 7 fois pire tout à l'heure. 7 fois pire. 7 fois pire. Ben c'est vrai, c'est fort, hein? Ce qu'il est en train de leur dire, là. Et si vous me rejetez, moi qui est plus fort par la puissance de Dieu, puis que Dieu m'a envoyé, parce que le royaume de Dieu m'a envoyé ici. Le royaume de Dieu vous a visité à travers moi pour nettoyer la maison, pour vous purifier Israël. Vous me rejetez, votre situation va être épouvantable tout à l'heure. Elle est épouvantable. Peut-être que je vous ai bien montré que j'étais plus fort que les démons. Et ça, c'est vraiment important de bien voir ça. J'aimerais qu'on puisse terminer, si vous voulez bien, on va prendre quelques minutes, verset 27. Parce que on va lire verset 27, on va lire un texte qui est assez long, mais c'est juste un résumé de ce qui s'est passé là. Tandis que Jésus parlait, soyez ça, je vais essayer de l'allumer. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Non, non, non, non, non, non. Heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. » Donc la femme, elle entend Jésus parler. Elle est probablement une des admiratrices de tout à l'heure qui avait admiré Jésus d'avoir chassé les démons. Elle dit, « Oh, heureuse la femme qui t'a donné naissance. » Parce que là, elle voit bien que Jésus est quelqu'un de spécial. Jésus dit, « Non, non, non, non, non, non, non. Heureuse plutôt la personne qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. » Donc Jésus est une source de bonheur. Heureux la personne qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Mais il dit malheur. Pour qu'on comprenne ce qu'il veut dire ici, heureux ceux qui gardent la parole de Dieu, il faut regarder malheur aux autres. C'est qui les autres? Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne se leur donnait d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement, parce que les hommes de cette génération les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et le mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. À l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en au monde ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous avez payé la dîme et l'amende de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous avez aimé les premiers sièges dans les synagogues et les situations, salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme des sépulcres qui ne paraissent pas, sur lesquels on marche sans le savoir. » Un des docteurs de la loi a pris la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi de nous que tu parles, que tu outrages. » Et Jésus lui répondit, « Malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous êtes chargés, les hommes, de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux et les prophètes que vos pères ont tués. » Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leur tombeau. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qu'il a été répandu depuis la création du monde. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis. » Il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous n'avez empêché d'entrer ceux qui voulaient. Excusez. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Si j'ai lu tout le texte, c'est parce que je crois que le texte doit être lu dans le contexte qu'on vient de voir. C'est le démon chassé qui a entraîné tout le texte. C'est cette histoire-là qui a entraîné tout cela. Et je crois qu'il faut le voir. Des fois, on va lire ces textes-là, puis on va essayer de les appliquer dans nos vies, puis ça ne tient pas compte qu'ils ont été dites dans un contexte de chasser les démons. Quelqu'un qui chasse un démon, et là, la femme, après que le démon a été chassé, dit à Jésus, « Heureuse la femme qui t'a porté. » Jésus dit non. Le bonheur, c'est pour ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique ou qui la gardent. Ici, dans le contexte, on est obligé d'appliquer ça à ce que Jésus venait de dire, « Le royaume de Dieu vous a visité. » Le royaume de Dieu vous a visité. Il dit, « Si vous écoutez ce que je vous dis de la part de Dieu, si vous croyez que je viens de Dieu, que je vous parle de la part de Dieu, et que vous gardez ce que je vous dis, vous allez être heureux. » On ne parle pas du bonheur de la vie, ici, là. On parle du bonheur éternel, on parle du bonheur spirituel. Mais ceux qui me rejettent, comme ceux qui l'ont traité de Béelzébul, okay? Ceux qui me rejettent, ceux qui ne voient pas en moi le doigt de Dieu, mais qui voient en moi le doigt de Béelzébul, hein? Il faut le prendre dans ce contexte-là. Là, il dit à ceux qui me rejettent de même. Là, il dit tous les malheurs. Malheur, malheur, malheur, malheur, malheur, malheur, malheur. Il ne parle pas ici. J'ai déjà entendu un pasteur prêcher là-dessus. Il disait malheur aux chrétiens. Malheur aux chrétiens qui ne vivaient pas, qui étaient un peu pharisiens, qui faisaient pas, qui ne donnaient pas leur dîme. J'ai entendu toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas ça que ça parle ici. On ne parle pas aux chrétiens ici. Là. On parle à ceux qui ont dit que Jésus avait fait un chasseur de démons par le doigt de Béelzébul. S'il y a un de vous autres qui dit que Jésus a chassé les démons par Béelzébul, je voudrais vous lever la main tout de suite, je veux vous voir après la réunion. Y a-t-il qui croit que Jésus a fait ça par Béelzébul? Non, une chance. Une chance. Nous, on croit qu'il a fait ça par le doigt de Dieu. Fait que ça ne s'adresse pas à nous, là, s'il a ce sens-là. Nous, on fait partie des heureux. Parce qu'on a reçu la parole de Dieu, on a reçu, Jésus c'est la parole de Dieu, on a reçu la parole de Dieu, on l'a gardé, on a cru que c'était l'envoyé de Dieu, on a cru qu'il était le doigt de Dieu qui se manifestait à travers le fait qu'il a chassé ce démon-là. On a adhéré à Jésus. Donc Jésus dit, heureux êtes-vous, vous autres, la gang. Mais il dit, malheur aux autres. Parce qu'il y a ici plus de sagesse que Salomon. Moi, là, je suis plus que Salomon. Il dit, malheur à vous, parce qu'il y a ici plus que Jonas. Jonas et des grandes villes se sont repenties à la prédication de Jonas. Mais moi, je suis beaucoup plus que Jonas. Il dit, il y a beaucoup plus de lumière ici qu'avant. Il dit, moi, je suis la lumière qu'on a mise sur un chandelier. Et si tu me regardes, il dit, que tu acceptes la lumière que je te donne, tout ton être va être illuminé. Si tu crois en moi, tout ton corps va être illuminé. Ça veut dire que tu vas voir clair maintenant. Tu vas voir clair spirituellement parlant. Il y a beaucoup plus de lumière ici qu'il n'a jamais eu avant et qu'il n'aura jamais après. Parce que Jésus a dit quoi? Je suis la lumière du monde. Jésus dit ici, si vous rejetez la lumière que je suis, vous n'aurez jamais d'autre lumière aussi forte, si je pourrais dire comme ça. Malheur à vous. Vous rejetez la lumière. Et si vous rejetez la lumière, vous êtes dans les... Il n'y en a pas d'autre lumière. Il n'y en a rien qu'une. Jésus a dit quoi? Je suis la lumière. Et au verset 37 à 34, il dit malheur à ceux qui me rejettent. Il dit malheur à ceux qui pratiquent une religion, moi j'ai appelé ça du tape à l'œil. Il dit, vous paraissez bien, les pharisiens, hein? Vous paraissez bien. Vous, au dehors, on dit, oh, c'est beau, c'est du bon monde, ils sont gentils, ils sont fins. Moi, je vous dis, si les pharisiens vivraient à Mont-Tremblant, on les mettrait conseillers, maire de la ville. C'était les gens que le monde voyait comme étant les meilleures personnes de la société de ce temps-là. C'était des gens, c'était pas des cornus, ceux-là, là. C'était du bon monde, qu'on appelle aujourd'hui, on appelle ça comme ça. C'était du bon monde. Jésus dit, vous paraissez bien aux yeux du monde. Mais moi, je vous dis, moi, je vois dans votre cœur. Et dans votre cœur, c'est des tombes, c'est des ossements de mort, ça pue, ça sent mauvais, c'est la mort, c'est les ténèbres. Nous autres, des fois, on regarde des gens et on dit, « Es-tu gentil? » Jésus dit, « Ben non, c'est juste parce que tu ne vois pas clair. » Il faut laisser Jésus parler de l'être humain, pas nous. On n'est pas les meilleurs pour parler de nous-mêmes. Jésus dit, verset 45-46, comme j'ai lu, « Malheur aux grands parleurs et aux petits faiseurs. » Vous dites, vous faites bien des affaires, vous dites bien des affaires, mais vous ne les faites pas vous-même. Il dit, vous chargez des gros fardeaux sur les gens, mais vous autres n'êtes même pas capable de les faire. Et ça, c'est la plupart des religieux, des religions. Les religions prêchent, faites ceci, faites pas ceci, faites ceci, faites pas ceci. Mais les gens qui prêchent de ne pas le faire ou de le faire, ne le font pas eux-mêmes. Moi, j'ai quitté la religion dans laquelle j'ai été élevé parce que les dirigeants ne faisaient pas ce qu'ils disaient. Jésus dit, c'est ça la religion. Il dit, malheur à vous qui avez tué les prophètes. Parce qu'en tuant le prophète, vous avez tué celui qui envoie les prophètes. Hein? Vous avez envoyé les prophètes. Et Jésus était le prophète, le plus grand prophète, celui que Dieu avait envoyé pour parler au peuple. Hein? Il dit, vous avez tué les prophètes. Vous avez fait les tombeaux des prophètes. Malheur à vous parce que vous tuez les prophètes. Vous ne voulez pas entendre ce que Dieu a à dire. Vous vous êtes nommés dans l'Ancien Testament, dans certains livres des prophètes, vous vous êtes nommés des prophètes. Vous êtes mis des prophètes qui vous disent ce que vous voulez bien entendre. Et vous avez tué ceux que moi j'ai envoyés. Mais vous savez très bien que si vous tuez le prophète, vous tuez celui qui a envoyé le prophète. C'est pour ça qu'il leur dit, malheur à vous. Il dit au verset 52, malheur à vous, parce que vous gardez les gens dans l'ignorance. Vous voyez très bien que ce que j'ai fait, c'était vrai. Vous voyez très bien. Quand ils ont dit, tu chasses les démons par Béelzébul, ils n'avaient jamais dit ça à personne avant. Ils savaient très bien que Jésus avait fait ça par la puissance de Dieu. Ils savaient ça. Mais il ne voulait pas l'admettre. Il voulait détruire Jésus. Il voulait que Jésus soit rejeté par la foule. Et donc, ils ont parlé contre la vérité qu'ils savaient même. Ils disent, vous avez vu la vérité, mais vous avez empêché les autres d'entrer. Vous n'êtes pas entré vous autres même dans la connaissance de la vérité et vous avez empêché les autres d'entrer par vos mensonges, par vos tromperies. Et donc, il dit malheur à vous. Donc tous ces malheurs ici, il faut les adresser à ceux qui rejettent Jésus, pas aux chrétiens qui ont des difficultés dans leur vie chrétienne. Faites attention à ça. N'appliquez pas ça. Moi, j'ai déjà j'avais une fois, j'étais à Vitré-Ville, puis le pasteur avait prêché. Les pharisiens en nous, ils avaient prêché sur Matthieu 23, et que moi, j'avais pas aimé ça. J'avais été loin, j'avais dit, je ne suis pas un pharisien. Je suis un chrétien qui a des problèmes dans sa vie, mais je ne suis pas un pharisien. Les pharisiens ont rejeté Jésus. Jésus les a condamnés à la perdition éternelle. Il ne faudrait pas me dire que moi, je vais être condamné à la perdition éternelle maintenant. J'ai des difficultés, mais je ne suis pas un pharisien. Les pharisiens, Jésus les a utilisés pour démontrer que ceux qui le rejettent vont être rejetés comme les pharisiens ont été rejetés par Dieu. Parce qu'il leur dit, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Et les pharisiens vont subir ce malheur-là. Donc, le Seigneur peut nous aider à comprendre ici que Jésus a été envoyé sur la terre et il a démontré la suprématie du royaume de Dieu sur le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, c'est ça que Jésus a dit, les portes de l'enfer vont jamais prévaloir contre le royaume de Dieu. Jamais, jamais. Le royaume de Dieu est plus fort que le royaume des ténèbres. Et moi, je me suis réfugié dans le royaume de Dieu à travers Jésus-Christ ou par Jésus-Christ. Donc, le royaume des ténèbres ne pourra jamais me détruire. Tant que je me cache derrière le prince du royaume de Dieu, qui est Jésus-Christ, le prince des ténèbres ne peut pas rien faire contre moi. Donc, le Seigneur puisse nous donner la grâce de le bénir, de le louer, de le remercier pour être venu nous montrer le doigt de Dieu. Pour nous manifester le royaume de Dieu. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci de ce beau texte qui nous montre que notre Jésus, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, notre Dieu, était beaucoup plus fort que le prince de ce monde. On a besoin de savoir ça. On a besoin de se rappeler cela. Oui, malgré qu'il était un homme, c'était aussi un homme envoyé de Dieu, un homme utilisé par Dieu pour sauver le monde qui était sous la puissance des ténèbres. On te remercie, Seigneur Jésus, d'être venu vivre dans ces ténèbres pendant quelques années. Tu es venu vivre avec nous afin d'être notre lumière, afin qu'on voit clair. Et tu nous as, dans ta grâce, montré les ténèbres qu'il y avait dans notre corps, les ténèbres qu'il y avait dans notre cœur. On te remercie que ta lumière nous a révélé cela en premier. Et ta lumière nous a révélé que tu pouvais nous sauver, que tu pouvais nous racheter, que tu pouvais nous transporter, comme Paul dit, des royaumes des ténèbres au royaume de la lumière. On te remercie, Seigneur. On te loue. Et cette semaine, nous allons vivre dans ce monde qui est sous la puissance du malin. Les gens qu'on côtoie, que des fois on pense qu'ils sont beaux, sont gentils, sont fins, sont sous la puissance des ténèbres. C'est ce que tu nous déclares. C'est ce que tu nous dis. Des fois, nos yeux ne le voient pas, mais notre cœur devrait au moins croire à ce que tu dis. De nous rappeler de les aimer et de prêcher la lumière qui est en nous, qui est Jésus-Christ. Parce que ta parole nous dit que nous sommes maintenant des enfants de lumière. Et que ce qu'à travers nous maintenant, que tu veux donner de la lumière au monde dans lequel nous vivons. C'est ton Église maintenant le flambeau. Parce que la lumière du monde habite en nous. Donne-nous, Seigneur, de resplendir ta lumière dans nos maisons, pour ceux qui ne sont pas sauvés là, dans notre rue, parmi nos amis. Je te prie, Seigneur, de façon spéciale pour cette semaine, avec l'homme avec lequel je vais travailler. Seigneur, c'est un homme qui a fait profession de foi, qui a été baptisé, mais maintenant qui vis comme quelqu'un qui ne l'est pas, du moins. Je te prie que tu puisses m'aider, Seigneur. Est-ce qu'il devienne un enfant de lumière ou est-ce qu'il enlève ce boisseau que tu as mis sur la lumière et qu'il vive pour toi et que tu te glorifies? Utilise chacun de nous, Seigneur, afin de te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. OK, nous allons arrêter la réunion là, si vous voulez bien, parce qu'on est passé l'heure maintenant.